Section 2. Livre 1er, première partie, chapitre 1 à 10. Livre 1er, première partie, révolutions anciennes. Introduction. Qui suis-je? Et que viens-je annoncer de nouveau aux hommes? On peut parler des choses passées, mais quiconque n'est pas spectateur désintéressé des événements actuels doit se taire. Et où trouver un tel spectateur en Europe? Tous les individus, depuis le paysan jusqu'au monarque, ont été enveloppés dans cette étonnante tragédie. Non seulement, dira-t-on, vous n'êtes pas spectateur, mais vous êtes acteur, et acteur souffrant, François malheureux, qui avait vu disparaître votre fortune et vos amis dans le gouffre de la Révolution. Enfin, vous êtes un émigré. À ce mot, je vois les gens sages et tous ceux dont les opinions sont modérées ou républicaines jeter là le volume sans chercher à en savoir davantage. Lecteur, un moment je ne vous demande que de parcourir quelques lignes de plus. Sans doute, je ne serai pas intelligible pour tout le monde, mais quiconque m'entendra poursuivra la lecture de cet essai. Quant à ceux qui ne m'entendront pas, ils feront mieux de fermer le livre, ce n'est pas pour eux que j'écris. Celui qui dit à son cœur « Je veux être utile à mes semblables » doit commencer par se juger soi-même. Il faut qu'il étudie ses passions, les préjugés et les intérêts qui peuvent le diriger sans qu'il s'en aperçoive. Si malgré tout cela il se sent assez de force pour dire la vérité, qu'il la dise, mais s'il se sent faible, qu'il se taise. Si celui qui écrit sur les affaires présentes ne peut être lu également au directoire et au conseil des rois, il a fait un livre inutile. S'il a du talent, il a fait pis. Il a fait un livre pernicieux. Le mal, le grand mal, c'est que nous ne sommes point de notre siècle. Chaque âge est un fleuve qui nous entraîne selon le penchant des destinées, quand nous nous y abandonnons. Mais il me semble que nous sommes tous hors de son cours. Les uns, les républicains, l'ont traversé avec impétuosité et se sont élancés sur le bord opposé. Les autres sont demeurés de ce côté-ci sans vouloir s'embarquer. Les deux parties crient et s'insultent, selon qu'ils sont sur l'une ou l'autre rive. Ainsi, les premiers nous transportent loin de nous dans des perfections imaginaires en nous faisant devancer notre âge. Les seconds nous retiennent en arrière, refusant de s'éclairer et veulent rester les hommes du XIVe siècle dans l'année 1796. L'impartialité de ce langage doit me réconcilier avec ceux qui, de la prévention contre l'auteur, auraient pu passer au dégoût de l'ouvrage. Je dirais plus, si celui qui naît avec une passion ardente pour les sciences y a consacré l'éveil de la jeunesse, si celui qui, dévoré de la soif de connaître, s'est arraché aux jouissances de la fortune pour aller au-delà des mers, contempler le plus grand spectacle qui puisse s'offrir à l'œil du philosophe, méditer sur l'homme libre de la nature et sur l'homme libre de la société, placer l'un près de l'autre sur le même sol, enfin si celui qui, dans la pratique journalière de l'adversité, a appris de bonne heure à évaluer les préjugés de la vie, si un tel homme, dis-je, mérite quelque confiance, lecteur, vous le trouvez en moi. La position où je me trouve est d'ailleurs favorable à la vérité. Attaqué d'une maladie qui me laisse peu d'espoir, je vois les objets d'un œil tranquille. L'air calme de la tombe se fait sentir au voyageur qui n'en est plus qu'à quelques journées. Sans désirs et sans crainte, je ne nourris plus les chimères du bonheur et les hommes ne sauraient me faire plus de mal que je n'en éprouve. Le malheur, dit l'auteur des études de la nature, le malheur ressemble à la montagne noire de Bamber, aux extrémités du royaume brûlant de Lahore. Tant que vous la montez, vous ne voyez devant vous que de stériles rochers. Mais quand vous êtes au sommet, vous apercevez le ciel sur votre tête et le royaume de Cachemire à vos pieds. Le lecteur pardonnera aisément cette digression qui ne sert après tout ici que de préface et sans laquelle, plein de cette malheureuse défiance qui nous met en garde contre les opinions de l'auteur, il lui eût été impossible de continuer avec intérêt la lecture de cet ouvrage. Mais, si j'ai pris tant de soin de lui aplanir l'entrée de la carrière, il doit à son tour me faire quelques sacrifices. Ô vous tous qui me lisez, dépouillez un moment vos passions en parcourant cet écrit sur les plus grandes questions qui puissent, dans ce moment de crise, occuper les hommes. Méditez attentivement le sujet avec moi. Si vous sentez quelquefois votre sang s'allumer, fermez le livre. Attendez que votre cœur batte à son aise avant de recommencer votre lecture. En récompense, je ne me flatte pas de vous apporter du génie, mais un cœur aussi dégagé de préjugés qu'un cœur d'homme puisse l'être. Comme vous, si mon sang s'échauffe, je le laisserai se calmer avant de reprendre la plume. Je causerai toujours simplement avec vous, je raisonnerai toujours d'après des principes. Je puis me tromper sans doute, mais si je ne suis pas toujours juste, je serai toujours de bonne foi. Ne vous hâtez pas de mépriser l'ouvrage d'un inconnu qui n'écrit que pour être utile. Enfin, si par des souvenirs trop tendres, je laissais dans le cours de cet écrit tomber une larme involontaire, songez qu'on doit passer quelque chose à un infortuné laissé sans ami sur la terre, et dites, pardonnons-lui, en faveur du courage qu'il a eu d'écouter la voix de la vérité, malgré les préjugés si excusables du malheur. Exposition 1. Quelles sont les révolutions arrivées autrefois dans les gouvernements des hommes ? Quel était alors l'état de la société et quelle a été l'influence de ces révolutions sur l'âge où elles éclatèrent et les siècles qui les suivirent ? 2. Parmi ces révolutions, en est-il quelques-unes qui, par l'esprit, les mœurs et les lumières des temps, puissent se comparer à la révolution actuelle de France ? 3. Quelles sont les causes primitives de cette dernière révolution et celles qui en ont opéré le développement soudain ? 4. Quel est maintenant le gouvernement de France ? Est-il fondé sur de vrais principes et peut-il subsister ? 5. S'il subsiste, quel en sera l'effet sur les nations et autres gouvernements de l'Europe ? 6. S'il est détruit, quelles en seront les conséquences pour les peuples contemporains et pour la postérité ? Telles sont les questions que je me propose d'examiner. Quoiqu'on ait beaucoup écrit sur la Révolution française, chaque faction se contentant de décrier sa rivale, le sujet est aussi neuf que s'il n'eût jamais été traité. Républicains, constitutionnels, monarchistes, girondistes, royalistes, émigrés, enfin politiques de toutes les sectes, de ces questions bien ou mal entendues, dépend votre bonheur ou votre malheur à venir. Il n'est point d'homme qui ne forme des projets de gloire, de fortune, de plaisir ou de repos, et nul cependant, dans ce moment de crise, ne peut se dire « je ferai telle chose demain » s'il n'a prévu quel sera ce demain. Il est passé le temps des félicités individuelles. Les petites ambitions, les étroits intérêts d'un homme, s'anéantissent devant l'ambition générale des nations et l'intérêt du genre humain. En vain, vous espérez échapper aux calamités de votre siècle par des mœurs solitaires et l'obscurité de votre vie. L'ami est maintenant arraché à l'ami, et la retraite du sage retentit de la chute des trônes. Nul ne peut se promettre un moment de paix. Nous naviguons sur une côte inconnue, au milieu des ténèbres et de la tempête. Chacun a donc un intérêt personnel à considérer ces questions avec moi, parce que son existence y est attachée. C'est une carte qu'il faut étudier dans le péril pour reconnaître en pilote sage le point d'où l'on part, le lieu où l'on est, et celui où l'on va, afin qu'en cas de naufrage, on se sauve sur quelque île où la tempête ne puisse vous atteindre. Cette île-là est une conscience sans reproche. Vu de mon ouvrage, le défaut de méthode se fait ordinairement sentir dans les ouvrages politiques, bien qu'il n'y ait point de sujet qui demandât plus d'ordre et de clarté. Je tâcherai de donner une idée distincte de cet essai en disant un mot de ma manière. Premièrement, j'examinerai les causes éloignées et immédiates de chaque révolution. Deuxièmement, leurs parties historiques et politiques. Troisièmement, l'état des mœurs et des sciences de ce peuple en particulier et du genre humain en général au moment de cette révolution. Quatrièmement, les causes qui en étendirent ou en bornèrent l'influence. Cinquièmement, enfin, tenant toujours en vue l'objet principal du tableau, je ferai incessamment remarquer les rapports ou les différences entre la Révolution alors décrite et la Révolution française de nos jours, de sorte que celle-ci servira de foyer commun où viendront converger tous les traits épars de la morale, de l'histoire et de la politique. Cette intéressante peinture occupera la majeure partie des quatre premiers livres et servira de réponse à la première question. L'examen de la troisième et celui de la seconde, déjà à moitié résolu, rempliront la troisième partie du quatrième livre. Le cinquième livre, écrit en dialogue, sera consacré aux recherches sur la quatrième question. quelques sujets détachés se trouveront dans la première partie du livre sixième, et la seconde du même livre contiendra des probabilités sur les deux dernières questions. Ainsi, l'ouvrage entier sera composé de six livres, les uns de deux, les autres de trois parties, formant en totalité 15 parties, subdivisées en chapitres. De cette esquisse générale, passons maintenant aux divisions particulières et fixons d'abord la valeur que je donne au mot « révolution », puisque ce mot reviendra sans cesse dans le cours de cet ouvrage. Par le mot « révolution », je n'entendrai donc dans la suite qu'une conversion totale du gouvernement d'un peuple, soit du monarchique au républicain ou du républicain au monarchique. Ainsi, tout État qui tombe par des armes étrangères, tout changement de dynastie, toute guerre civile qui n'a pas produit des altérations remarquables dans une société, tout mouvement partiel d'une nation momentanément insurgée, ne sont point pour moi des révolutions. En effet, si l'esprit des peuples ne change, qu'importe qu'ils se soient agités quelques instants dans leur misère, ou que leur nom ou celui de leur maître ait changé. Considéré sous ce point de vue, je ne reconnaîtrai que 5 révolutions dans toute l'Antiquité et 7 dans l'Europe moderne. Les 5 révolutions anciennes seront l'établissement des républiques en Grèce, leur suggestion sous Philippe et Alexandre avec les conquêtes de ce héros, la chute des rois à Rome, la subversion du gouvernement populaire par les Césars, enfin le renversement de leur empire par les barbares. La République de Florence, celle de la Suisse, les troubles sous le roi Jean, la Ligue sous Henri IV, l'union des provinces belgiques, les malheurs de l'Angleterre durant le règne de Charles Ier et l'érection des États-Unis de l'Amérique en nation libre formeront le sujet des 7 révolutions modernes. Au reste, je crayonnerai rapidement la partie de cet ouvrage consacrée à l'histoire ancienne, réservant les grands détails lorsque je parlerai des nations actuelles de l'Europe. Le génie des Grecs et des Romains diffère tellement du génie des peuples d'aujourd'hui qu'on y trouve à peine quelques traits de ressemblance. J'aurais pu m'étendre sur les révolutions de Thèbes, d'Argos et de Mycène. Les annales de la Suède et de la Pologne, celles des villes impériales, les insurrections de quelques cités d'Espagne et du royaume de Naples me présentaient les matériaux suffisants pour multiplier les volumes. Mais, en portant un œil attentif sur l'histoire, j'ai vu qu'une multitude de rapports qui m'avaient d'abord frappé se réduisaient, après un mûr examen, à quelques faits isolés totalement étrangers dans leurs causes et dans leurs effets à ceux de la Révolution française. En m'arrêtant incessamment à chaque petite ville de la Grèce et de l'Allemagne, je serais tombé dans un cercle de répétitions aussi ennuyeuses que peu utiles. Je n'ai donc saisi que les grands traits, ceux qui offrent des leçons à suivre ou des exemples à imiter. Je n'ai pas prétendu écrire un roman dans lequel, pliant de force les événements à mon système, je n'eusse laissé après moi qu'un de ces monuments déplorables où nos neveux contempleront avec un serrement de cœur l'esprit qui anima leur père et béniront le ciel de ne les avoir pas fait naître dans ces jours de calamité. Je me suis proposé une fin plus noble en écrivant ces pages, je l'avouerai. L'espoir d'être utile aux hommes a exalté mon âme et conduit ma plume. Que si le plus grand sujet est celui dont on peut faire sortir le plus grand nombre de vérités naturelles. Que si, fixant en outre la somme des vérités historiques, ce sujet mène à la solution du problème de l'homme, fut-il jamais d'objet plus digne de la philosophie que le plan qu'on s'est tracé dans cet ouvrage ? Malheureusement, l'exécution en est confiée à des mains trop inhabiles. J'ai fait, par mon titre d'essai, l'aveu public de ma faiblesse. Ce sera assez de gloire pour moi d'avoir montré la route à de plus beaux génies. Chapitre 1er. Première question. Ancienneté des hommes. Quelles sont les révolutions arrivées autrefois dans le gouvernement des hommes? Quel était alors l'état de la société? Et quelle a été l'influence de ces révolutions sur l'âge où elles éclatèrent et les siècles qui les suivirent? Le seul énoncé de cette question suffit pour en démontrer l'importance. Le vaste sujet qu'elle embrasse remplira la majeure partie de cet ouvrage et, servant de clé à nos derniers problèmes, en fera naître une foule de vérités inconnues. Le flambeau des révolutions passées à la main, nous entrerons hardiment dans la nuit des révolutions futures. Nous saisirons l'homme d'autrefois malgré ses déguisements et nous forcerons le protée à nous dévoiler l'homme à venir. Ici s'ouvre une perspective immense. Ici, j'ose me flatter de conduire le lecteur par un sentier encore tout inculte de la philosophie, où je lui promets des découvertes et de nouvelles vues des hommes. Du tableau des troubles de l'Antiquité passant à celui des nations modernes, je remonterai par une série de malheurs depuis les premiers âges du monde jusqu'à notre siècle. L'histoire des peuples est une échelle de misère dont les révolutions forment les différents degrés. Si l'on considère que depuis le jour mémorable où Christophe Colomb aborda sur les rives américaines, pas une des hordes qui vaguent dans les forêts du Nouveau Monde n'a fait un pas vers la civilisation. Que cependant ces peuples étaient déjà loin de l'état de nature à l'époque où on les a trouvés, on ne pourra s'empêcher de convenir que la forme la plus grossière de gouvernement n'ait dû coûter à l'homme des siècles de barbarie. Qu'apercevons-nous donc au moment où l'histoire s'ouvre ? De grandes nations déjà sur leur déclin, des mœurs corrompues, un luxe effroyable, des sciences abstraites, telles que l'astronomie, l'écriture et la métaphysique des langues, art dont l'achèvement semble demander la durée d'un monde. Si on ajoute à cela les traditions des peuples, les pasteurs de l'antique Égypte, paissant leurs gazelles dans les villes abandonnées et sur les monuments en ruine d'une nation inconnue, jadis florissante dans ces déserts, cette même Égypte, comptant plus de 5000 ans depuis la fin de l'âge bucolique et l'érection de la monarchie sous son premier roi, Ménès, jusqu'à Alexandre, la Chine fondant son histoire sur un calcul d'éclipses qui remonte jusqu'au déluge, au-delà duquel ses annales se perdent dans des siècles innombrables, l'Inde, enfin, offrant le phénomène d'une langue primitive, source de toutes celles de l'Orient, langue qui n'est plus entendue que des brahmines et qui fut jadis parlée d'un grand peuple, dont le nom même a disparu de la terre, il est certain que le premier coup d'œil qu'on jette sur l'histoire des hommes suffirait pour nous convaincre que notre courte chronologie en remplit à peine la dernière feuille si les monuments de la nature ne démontraient cette vérité au-delà de toute contradiction. La destruction et le renouvellement d'une partie du genre humain est une autre conjecture également fondée. Les corps marins transportés au sommet des montagnes ou enfouis dans les entrailles de la terre, les lits de pierre calcaire, les couches parallèles et horizontales des sols se réunissent avec les traditions des Juifs, des Indiens, des Chinois, des Égyptiens, des Celtes, des Nègres de l'Afrique et des sauvages même du Canada pour prouver la submersion du globe. Posons donc pour base de l'histoire ces deux vérités. L'antiquité des hommes et leur renouvellement après la destruction presque totale de la race humaine. Mais, en ne commençant l'histoire qu'à l'époque très incertaine du déluge, vous êtes loin d'avoir vaincu toutes les difficultés. Sanconiaton ne vous apprend d'abord que la fondation des villes et des états. Cronus, fils du roi Uranus, saisit son père auprès d'une fontaine, le fait cruellement mutiler, entreprend de longs voyages, dispense à son gré les empires, donnant à sa fille Athéna l'Attique et au dieu Taoutous l'Égypte. Hérodote et Diodone vous introduisent ensuite dans le pays des merveilles. Ce sont des villes de 20 lieues de circuit, élevées comme par enchantement, des jardins suspendus dans les airs, des lacs entiers creusés de la main des hommes. L'Orient se présente soudainement à nous dans toute sa corruption et dans toute sa gloire. Déjà, 3 puissantes monarchies se sont assises sur les ruines les unes des autres. Partout, des conquêtes, démesurées, désastreuses aux vaincus, inutiles ou funestes aux vainqueurs. En Perse, une nation avilie et des satrapes exaltés. En Égypte, un peuple ignorant et superstitieux, des prêtres savants et despotiques. Dans ce monde où le palais de Sardanapale s'élève auprès de la hutte de l'esclave, où le temple de la divinité ne rassemble que des misérables sous des dômes de porphyre, dans ce chaos de luxe et d'indigence, de souffrances et de volupté, de fanatisme et de lumière, d'oppression et de servitude, laissons dormir inconnus les crimes des tyrans et les malheurs des esclaves. Un rayon émané de l'Égypte, après avoir lutté quelque temps contre les ténèbres de la Grèce, couvrit enfin de splendeur ces régions prédestinées. Les hordes errantes, Kinnacus, Cécrops, Cadmus, avaient d'abord réuni, dépouillèrent peu à peu leurs mœurs sauvages et se formant à différentes époques en république, nous appellent maintenant à la première révolution. Chapitre 2. Première révolution, les républiques grecques. Si le contrat social des publicistes est la convention primitive des gouvernements. Les républiques de la Grèce, considérées comme les premiers gouvernements populaires parmi les hommes, offrent un objet bien intéressant à la philosophie. Si les causes de leur établissement nous avaient été transmises par l'histoire, nous eussions pu obtenir la solution de ce fameux problème en politique, savoir quelle est la convention originale de la société. Jean-Jacques prononce et rapporte l'acte ainsi. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Pour faire un tel raisonnement, ne faut-il pas supposer une société déjà préexistante ? Sera-ce le sauvage, vagabond dans ses déserts, à qui le mien et le tien sont inconnus, qui passera tout à coup de la liberté naturelle à la liberté civile, sorte de liberté purement abstraite, et qui suppose de nécessité toutes les idées antérieures de propriété, de justice conventionnelle, de force comparée du tout à la partie, etc. Il se trouve donc un état civil intermédiaire entre l'état de nature et celui dont parle Jean-Jacques. Le contrat qu'il suppose n'est donc pas l'original. Mais quel est, dira-t-on, ce contrat primitif ? C'est ici la grande difficulté. Que si on reçoit pour un moment celui de Rousseau comme authentique, du moins est-il certain que ce pacte fondamental remonte au-delà des sociétés dont nous formions quelques idées, puisque pas une des hordes sauvages qu'on a rencontrées sur le globe n'existait sous un gouvernement populaire. Or, de ces deux choses l'une, où il faut admettre avec Platon que le gouvernement monarchique, établi sur l'image d'une famille, est le seul qui soit naturel, que conséquemment le contrat social ne peut être que d'une date subséquente, ou que, s'il est original, les peuples, presque aussitôt fatigués de leur souveraineté, s'en sont déchargés sur un citoyen courageux ou sage. D'ici cette immense question, comment du gouvernement primitif, en le supposant monarchique, les hommes sont-ils parvenus à concevoir le phénomène d'une liberté autre que celle de la nature ? Ou, si l'on veut dire que la constitution primitive ait été républicaine, par quel degré l'esprit humain, après des siècles d'observation, après l'expérience des maux qui résultent de tout gouvernement, a-t-il retrouvé la constitution naturelle depuis si longtemps mise en oubli ? J'invite les lecteurs à méditer ce grand sujet. Le traité ici se réfère à un ouvrage sur un ouvrage et je n'écris que des essais. Dans les causes du renversement de la monarchie en Grèce, peu de choses conduisent à l'éclaircissement de ces vérités. Chapitre 3. L'âge de la monarchie en Grèce. On ne peut jeter les yeux sur les premiers temps de la Grèce sans frémir. Si l'âge d'or coula dans l'Argolide, sous les pasteurs Inachus et Phoronée, si Cécrops donna des lois pures à l'Attique, si Cadmus introduisit les lettres dans la Béotie, ces jours de bonheur fuirent avec tant de rapidité qu'ils ont passé pour un songe chez la postérité malheureuse. Les muses ont souvent fait retentir la scène des noms tragiques des Agamemnon, des Œdipe et des Thésée. Qui de nous ne s'est attendri au chef-d'œuvre des Crébillon et des Racines ? À la peinture de ces fameux malheurs de rois, nous versions des larmes jadis, comme à des fables. Témoins de la catastrophe de Louis XVI et de sa famille, nous pourrons maintenant y pleurer comme à des vérités. Des massacres, des enlèvements, des incendies, des peuples entiers forcés à l'émigration par leur misère, d'autres se levant en masse pour envahir leurs voisins, des rois sans autorité, des grands factieux, des nations barbares, tel est le tableau que nous présente la Grèce monarchie. Tout à coup, sans qu'on en voie de raisons apparentes, des républiques se forment de toutes parts. D'où vient cette transition soudaine ? Est-ce l'opinion qui, comme un torrent, renverse subitement le trône ? Sont-ce des tyrans qui ont mérité leur sort à force de crimes ? Non, ici, on abolit la royauté par estime pour cette royauté même. Nul homme, disent les Athéniens, n'étant digne de succéder à Codrus. Là, c'est un prince héritier de la couronne qui établit lui-même la constitution populaire. Cette révolution singulière, différente dans ses principes de toutes celles que nous connaissons, a été l'écueil de la plupart des écrivains qui ont voulu en rechercher les causes. Mably, effleurant rapidement le sujet, se jette aussitôt sur les constitutions républicaines sans nous apprendre le secret qui fit trouver ces constitutions. Tâchons, malgré l'obscurité de l'histoire, de faire quelques découvertes dans ce champ nouveau de politique. Chapitre 4. Cause de la subversion du gouvernement royal chez les Grecs, elle diffère totalement de celle de la Révolution française. La première raison qu'on entrevoit de la chute de la monarchie en Grèce se tire des révolutions qui désolèrent si longtemps ce beau pays. Depuis la prise de Troie jusqu'à l'extinction de la royauté à Athènes, et même longtemps après, un bouleversement général changea la face de la contrée. Dans ce chaos de choses nouvelles, l'ordre des successions au trône fut violé. Les rois perdirent peu à peu leur puissance, et les peuples l'idée d'un gouvernement légal. Toutes les humeurs du corps politique, allumées par la fièvre des révolutions, se trouvaient à ce plus haut point d'énergie d'où sortent les formes premières et les grandes pensées. Le moindre choc dans l'État était alors plus que suffisant pour renverser de frêles monarchies qui pouvaient à peine porter ce nom. Nous trouvons dans l'esprit des riches une autre cause non moins frappante de la subversion du gouvernement royal en Grèce. Ceux-ci, profitant de la confusion générale pour usurper l'autorité, semaient les factions autour des trônes où ils aspiraient. C'est un trait commun à toutes les révolutions dans le sens républicain qu'elles ont rarement commencé par le peuple. Ce sont toujours les nobles qui, en proportion de leur force et de leur richesse, ont attaqué les premiers la puissance souveraine. Soit que le cœur humain s'ouvre plus aisément à l'envie dans les grands que dans les petits, ou qu'il soit plus corrompu dans la première classe que dans la dernière, ou que le partage du pouvoir ne serve qu'à enrichir la soif. Soit enfin que le sort se plaise à aveugler les victimes qu'il a une fois marquées. Qu'arrive-t-il lorsque l'ambition des grands est parvenue à renverser le trône? Que le peuple, opprimé par ses nouveaux maîtres, se repent bientôt d'avoir assis une multitude de tyrans à la place d'un roi légitime. Sans égard au prétendu patriotisme dont ces hommes s'étaient couverts, il finit par chasser la faction honteuse, et l'État, selon sa position morale, se change en république ou retourne à la monarchie. Une troisième source de la constitution populaire chez les Grecs mérite surtout d'être connue parce qu'elle découle essentiellement de la politique et qu'elle n'a pas encore, du moins que je sache, été découverte par les publicistes. Je veux dire l'accroissement du pouvoir des amphictyons. Cette assemblée fédérative, instituée par le troisième roi d'Athènes, étendit peu à peu son autorité sur toute la Grèce. Or, par le principe, il ne peut y avoir deux souverains dans un État. Une monarchie n'est plus là où il y a une convention souveraine en unité. Que si l'on dit que le conseil amphictyonique n'avait que le droit de proposition et ressemblait dans ses rapports aux diètes d'Allemagne, c'est faute d'avoir remarqué que ce n'étaient pas les envoyés des princes qui composaient l'assemblée, mais les députés des peuples. Qu'une telle convention était propre à faire naître aux nations qu'elle représentait l'idée des formes républicaines. Enfin, que les amphictyons, favorisés de l'opinion publique, devaient tôt ou tard, par cet ambitieux esprit de corps, naturel à toute société particulière, s'arroger des droits hors de leur institution et que conséquemment les monarchies devaient aussi cesser tôt ou tard. Mais la grande et générale raison de l'établissement des républiques en Grèce est qu'en effet ces républiques ne furent jamais de vraies monarchies. Je m'expliquerai par la suite sur cet important sujet. Telles furent les causes éloignées et immédiates qui contribuèrent au développement de cette grande révolution. Mais, puisque l'histoire nous a laissé ignorer par quelle étonnante suite d'idées les hommes vivant de tout temps sous des monarchies trouvèrent les principes républicains, disons que quelques oppressions réelles, beaucoup d'imaginaires, la lassitude des choses anciennes et l'amour des nouvelles, des chances et des hasards par qui tout arrive, enfin, cette nécessité qu'on appelle la force des choses, produisirent les républiques, sans qu'on sût d'abord distinctement ce que c'était. Et les faits ayant dans la suite fait analyser la cause, les philosophes se hâtèrent d'écrire des principes. Au reste, il serait superflu de faire remarquer au lecteur que les sources d'où coula la révolution républicaine en Grèce n'ont rien ou presque rien de commun avec celle de la dernière révolution en France. Nous allons passer maintenant aux conséquences de la première. Je ne m'attacherai, comme tous les autres écrivains, qu'à l'histoire de Sparte et d'Athènes. Les annales des autres petites villes sont trop peu connues pour intéresser. Chapitre 5. Effet de la révolution républicaine sur la Grèce, Athènes depuis Codrus jusqu'à Solon, comparé au nouvel état de la France. Cette révolution fut bien loin de donner le bonheur à la Grèce. La preuve que le principe n'était pas trouvé, c'est que toutes les petites républiques se virent immédiatement plongées dans l'anarchie après l'extinction de la royauté. Sparte, seule, qui fut assez heureuse pour posséder dans le même homme le révolutionnaire et le législateur, jouit tout à coup du fruit de sa nouvelle constitution. Partout ailleurs, les riches, sous le nom captieux de magistrats, s'emparèrent de l'autorité souveraine qu'ils avaient anéantie, et les pauvres languirent dans les factions et la misère. Depuis le dévouement de Codrus à Athènes jusqu'au siècle de Solon, l'histoire est presque muette sur l'état de cette république. Nous savons seulement que l'Arconta a vu que les citoyens substituèrent d'abord à la royauté fut dans la suite réduit à 10 ans et qu'ils finirent par le diviser entre 9 magistrats annuels. Ainsi les Athéniens s'habituèrent par degrés au gouvernement populaire. Ils passèrent lentement de la monarchie à la république. Le statut nouveau était toujours formé en partie du statut antique. Par ce moyen, on évitait ces transitions brusques, si dangereuses dans les États, et les mœurs avaient le temps de sympathiser avec la politique. Mais il en résulta aussi que les lois ne furent jamais très pures et que le plan de la Constitution offrit un mélange continuel de vérités et d'erreurs, comme ces tableaux où le peintre a passé par une gradation insensible des ténèbres à la clarté. Chaque nuance s'y succède doucement, mais elle se compose sans cesse de l'ombre qui la précède et de la lumière qui la suit. Cependant, cette mobilité de principe devait produire de grands maux. Les Athéniens, semblables aux Français sous tant de rapports, en changeant incessamment l'économie du gouvernement, comme ces derniers l'ont fait de nos jours, vivaient dans un état perpétuel de trouble, car dans toute révolution, il se trouve toujours de chauds partisans des institutions nouvelles et des hommes attachés aux antiques lois de la patrie par les souvenirs d'une vie passée sous leurs auspices. Comme en France encore, l'antipathie des pauvres et des riches était à son comble. À Dieu ne plaise que je veuille fermer les oreilles à la voix du nécessiteux. Je sais m'attendrir sur le malheur des autres, mais dans ce siècle de philanthropie, nous avons trop déclamé contre la fortune. Les pauvres dans les États sont infiniment plus dangereux que les riches, et souvent ils valent moins qu'eux. Le besoin d'une constitution déterminée se faisait sentir de plus en plus. Dracon, philosophe inexorable, fut choisi pour donner des lois à l'humanité. Cet homme méconnut le cœur de ses semblables, il prit les passions pour des crimes, et punissant également du dernier supplice et le faible et le vicieux, il sembla prononcer un arrêt de mort contre le genre humain. Ces lois de sang, telles que les décrets funèbres de Robespierre, favorisèrent les insurrections. Cylon, profitant des troubles de sa patrie, voulut s'emparer de la souveraineté. On l'assiège aussitôt dans la citadelle, d'où il parvient à s'échapper. Ses partisans, réfugiés dans le temple de Minerve, en sortent sous promesse de la vie et on les sacrifie aussitôt sur l'autel des Euménides. La France n'est pas la première république qui ait eu des lois sauvages et de barbares citoyens. Ce régime de terreur passe, mais il ne reste à la place que relâchement et faiblesse. Les Athéniens, comme les Français, abhorrèrent ces atrocités et comme eux aussi, ils se contentèrent de verser des pleurs stériles. Cependant, le peuple, effrayé de son crime, s'imaginait voir les vengeances de Minerve suspendues sur sa tête. Les dieux, secondant le cri de l'humanité, remplissaient les consciences de troubles, et tel qui n'eût été qu'un pitoyable anthropophage dans la France incrédule, fut touché de repentir à Athènes tant la religion est nécessaire aux hommes. Pour apaiser ces tourments de l'âme, plus insupportables que ceux du corps, on eut recours à un sage nommé Épiménide. Si celui-ci ne ferma pas les plaies réelles de l'État, il fit plus encore en guérissant les maux imaginaires. Il bâtit des temples aux dieux, leur offrit des sacrifices, et versa le baume de la religion dans le secret des cœurs. Il ne traitait point de superstition, ce qui tend à diminuer le nombre de nos misères. Il savait que la statue populaire, que le pénate obscur qui console le malheureux, est plus utile à l'humanité que le livre du philosophe qui ne saurait essuyer une larme. Mais ces remèdes, en engourdissant un moment les maux de l'État, ne furent pas assez puissants pour les dissiper. Peu après le départ d'Épiménide, les factions se rallumèrent. Enfin, les partis fatigués résolurent de se jeter dans les bras d'un seul homme. Heureusement pour la République, cet homme était Solon. Je n'entrerai point dans le détail des institutions de ce législateur célèbre, non plus que dans celui des lois de Lycurgue. De trop grands maîtres en ont parlé. Je dirai seulement ce qui tend au but de mon ouvrage. Pour ne pas couper le sujet, nous allons continuer l'histoire d'Athènes jusqu'au bannissement des Pisistratides. Nous reviendrons ensuite à Lacédémone. Chapitre 6. Quelques réflexions sur la législation de Solon. Comparaison, différence. Les gouvernements mixtes sont vraisemblablement les meilleurs parce que l'homme de la société est lui-même un être complexe et qu'à la multitude de ses passions, il faut donner une multitude d'entraves. Sparte, Carthage, Rome et l'Angleterre ont été par cette raison regardés comme des modèles en politique. Quant à Athènes, nous remarquerons ici qu'elle a réellement possédé ce que la France prétend avoir de nos jours. La constitution la plus démocratique qui ait jamais existé chez aucun peuple. Au mot « démocratie », on se figure une nation assemblée encore délibérant sur ses lois. Cela signifie maintenant deux conseils, un directoire et des citoyens à qui l'on permet de rester chez eux jusqu'à la première réquisition. Le législateur athénien et les réformateurs français se trouvaient à peu près placés entre les mêmes dangers au commencement de leurs ouvrages. Une foule de voix demandait la répartition égale des fortunes. Pour éviter le naufrage de la chose publique, Solon fut forcé de commettre une injustice. Il remit les dettes et refusa le partage des terres. Les assemblées nationales de France ont pensé différemment, elles ont garanti la créance à l'usurier et divisé les biens des riches. Cela seul suffit pour caractériser la différence des deux siècles. Dans les institutions morales, nous trouvons les mêmes contrastes. Des femmes pures parurent indispensables à Athènes pour donner des citoyens vertueux à l'État, et le divorce n'était permis qu'à des conditions rigoureuses. La France républicaine a cru que la Messaline qui va offrant sa lubricité d'époux en époux n'en sera pas moins une excellente mère. Qu'il soit chassé des tribunaux, de l'Assemblée générale, du sacerdoce, disait la loi à Athènes. Qu'il soit rigoureusement puni celui qui, noté d'infamie par la dépravation de ses mœurs, ose remplir les fonctions saintes de législateur ou de juge. Que le magistrat qui se montre en état d'ivresse aux yeux du peuple soit à l'instant mis à mort. Ces décrets-là, sans doute, n'étaient pas faits pour la France. Que fut devenue, sous un pareil arrêt, toute l'Assemblée constituante dans la nuit du 4 août 1789 ? Ceci mène à une triste réflexion. Fanatiques admirateurs de l'Antiquité, les Français semblent en avoir emprunté les vices et presque jamais les vertus. En naturalisant chez eux les dévastations et les assassinats de Rome et d'Athènes, sans en atteindre la grandeur, ils ont imité ces tyrans qui, pour embellir leur patrie, y faisaient transporter les ruines et les tombeaux de la Grèce. Au reste, nous entrons ici sur un sol consacré où chaque pouce de terrain nous offrira un nouveau sujet d'étonnement. Peut-être même pourrais-je déjà beaucoup dire, mais il n'est pas encore temps. Lecteur, je le répète, veillez, je vous en supplie, plus que jamais, sur vos préjugés. C'est au moment où un coin du rideau commence à se lever que l'on est le plus sensible. Surtout si ce que nous apercevons n'est pas dans le sens de nos idées. On m'a souvent reproché de voir les objets différemment des autres, cela peut être. Mais si on se hâte de me juger sans me laisser le temps de me développer à ma manière, si on se blesse de certaines choses avant de connaître la place que ces choses occupent dans l'harmonie générale des parties, j'ai fini pour ces gens-là. Je n'ai ni l'envie ni le talent de tout penser et de tout dire à la fois. Je reviens. Chapitre 7. Origine des noms des factions, la montagne et la plaine. Solon voulut couronner ses travaux par un sacrifice. Voyant que sa présence faisait naître des troubles à Athènes, il résolut de s'en bannir par un exil volontaire. Il s'arracha donc pour 10 ans au séjour si doux de la patrie, après avoir fait promettre à ses concitoyens qu'il vivrait en paix jusqu'à son retour. On s'aperçut bientôt qu'on n'ajourne point les passions des hommes. Depuis longtemps, l'État nourrissait dans son sein 3 factions qui ne cessaient de le déchirer. Quelquefois réunies par intérêt ou tranquilles par lassitude, elles semblaient s'éteindre un moment, mais bientôt elles éclataient avec une nouvelle furie. La première, appelée le Parti de la Montagne, était composée, ainsi que le fameux parti du même nom en France, des citoyens les plus pauvres de la République qui voulaient une pure démocratie. Par l'établissement d'un Sénat et l'admission exclusive des riches aux charges de la magistrature, Solon avait opposé une digue puissante à la fougue populaire. Et la Montagne, trompée dans ses espérances, n'attendait que l'occasion favorable de s'insurger contre les dernières institutions. C'étaient les Jacobins d'Athènes. Le second parti, connu sous le nom de la Plaine, réunissait les riches possesseurs de terres qui, trouvant que le législateur avait trop étendu le pouvoir du petit peuple, demandaient la constitution oligarchique plus favorable à leurs intérêts. C'étaient les aristocrates. Enfin, sous un troisième parti, distingué par l'appellation de la Côte, se rangeaient tous les négociants de l'Attique. Ceux-ci, également effrayés de la licence des pauvres et de la tyrannie des grands, inclinaient à un gouvernement mixte, propre à réprimer l'une et l'autre. Ils jouaient le rôle de modérés. Athènes se trouvait ainsi à peu près dans la même position que la France républicaine. Nul ne goûtait la nouvelle constitution. Tous en demandaient une autre, et chacun voulait celle-ci d'après ses vues particulières. On voit encore ici la source d'où les Français ont tiré les noms des partis qui les divisent, comme si mes malheureux compatriotes n'avaient déjà pas trop de leur haine nationale sans aller remuer les cendres des factions étrangères parmi les ruines des États qu'elles ont dévorés. Chapitre 8. Portrait des chefs. Des mêmes causes, les mêmes effets. Il devait s'élever alors des tyrans à Athènes, comme il s'en est élevé de nos jours à Paris. Mais autant le siècle de Solon surpasse le nôtre en morale, autant les factieux de l'Attique furent supérieurs en talent à ceux de la France. À la tête des montagnards se distinguait Pisistrate, brave, éloquent, généreux, d'une figure aimable et d'un esprit cultivé, il n'avait de Robespierre que la dissimulation profonde et de l'infâme d'Orléans que les richesses et la naissance illustres. Il prit la route que ce dernier conspirateur attachait de suivre après lui. Il fit retentir le mot « égalité » aux oreilles du peuple, et tandis que la liberté respirait sur ses lèvres, il cachait la tyrannie au fond de son cœur. Lycurgue avait la confiance de la plaine. Nous ne savons presque rien de lui, c'était apparemment un de ces intrigants obscurs que le tourbillon révolutionnaire jette quelquefois au plus haut point du système, sans qu'ils sachent eux-mêmes comment ils y sont parvenus. Les aristocrates d'Athènes ne furent pas plus heureux dans le choix et le génie de leur chef que les aristocrates de France. Il semble qu'il y ait des hommes qui renaissent à des siècles d'intervalle pour jouer chez différents peuples et sous différents noms les mêmes rôles dans les mêmes circonstances. Mégaclès et Talien en offrent un exemple extraordinaire. Tous deux redevables à un mariage opulent de la considération attachée à la fortune, tous deux placés à la tête du parti modéré dans leurs nations respectives, ils se font tous deux remarquer par la versatilité de leurs principes et la ressemblance de leur destinée. Flottant, ainsi que le révolutionnaire français, au gré d'une humeur capricieuse, l'Athénien fut d'abord subjugué par le génie de Pisistrate, parvint ensuite à renverser le tyran, s'en repentit bientôt après, rappela les montagnards, se brouilla de nouveau avec eux, fut chassé d'Athènes, reparut encore et finit par s'éclipser tout à coup dans l'histoire. Sort commun des hommes sans caractère, ils luttent un moment contre l'oubli qui les submerge et soudain s'engloutissent tout vivants dans leur nullité. Tel était l'état des factions d'Athènes lorsque Solon, après 10 ans d'absence, revint dans sa malheureuse patrie. Chapitre 9. Pisistrate. Après avoir erré sur le globe, l'homme, par un instinct touchant, aime à revenir mourir au lieu qu'ils ont vu naître, et s'asseoir un moment au bord de sa tombe, sous les mêmes arbres qui ombragèrent son berceau. La vue de ces objets changés sans doute, qui lui rappellent à la fois les jours heureux de son innocence, les malheurs dont ils furent suivis, les vicissitudes et la rapidité de la vie raniment dans son cœur ce mélange de tendresse et de mélancolie qu'on nomme l'amour de son pays. Quelle doit être sa tristesse profonde s'il a quitté sa patrie florissante et qu'il la retrouve déserte ou livrée aux convulsions politiques? Ceux qui vivent au milieu des factions vieillissent pour ainsi dire avec elles, s'aperçoivent à peine de la différence du passé au présent. Mais le voyageur qui retourne au champ paternel, bouleversé pendant son absence, est tout à coup frappé des changements qui l'environnent. Ses yeux parcourent amèrement l'enclos désolé, de même qu'en revoyant un ami malheureux après de longues années, on remarque avec douleur sur son visage les ravages du chagrin et du temps. Telles furent sans doute les sensations du sage athénien lorsqu'après les premières joies du retour, il vint à jeter les regards sur sa patrie. Il ne vit autour de lui qu'un chaos d'anarchie et de misère. Ce n'était que troubles, divisions, opinions diverses. Les citoyens semblaient transformés en autant de conspirateurs, pas deux têtes qui pensassent d'eux-mêmes, pas deux bras qui eussent agi de concert. Chaque homme était lui tout seul une faction, et quoique tous s'harmonisassent de haine contre la dernière constitution, tous se divisaient d'amour sur le mode d'un régime nouveau. Dans cette extrémité, Solon cherchait un honnête homme qui, en sacrifiant ses intérêts, pût rendre le calme à la République. Il s'imagina le trouver à la tête du parti populaire, mais s'il se laissa tromper un moment par les dehors patriotiques de Pisistrate, il ne fut pas longtemps dans l'erreur. Il sentit que des deux motifs d'une action humaine, il faut s'efforcer de croire à la bonne et agir comme si on n'y croyait pas. Le sage qui connaissait les cœurs sut bientôt ce qu'il devait penser d'un homme riche et de haute naissance attaché à la cause du peuple. Malheureusement, il le sut trop tard. Sur le point de dénoncer la conspiration, il n'attendait plus que de nouvelles lumières lorsque Pisistrate se présente tout à coup sur la place publique, couvert de blessures qu'il s'était adroitement faites. Le peuple ému s'assemble en tumulte, Solon veut enfin faire entendre sa voix. On insulte le vieillard, on frémit de rage, on décrète, par acclamation, une garde formidable à cette illustre victime de la démocratie que les nobles avaient voulu faire assassiner. « Oh, homines ad servitutem paratos !» Nous avons vu un tyran de la Convention employer la même machine. Quiconque a une légère teinture de politique n'a pas besoin qu'on lui apprenne la conséquence de ce décret. Une démocratie n'existe plus là où il y a une force militaire en activité dans l'intérieur de l'État. Que penserons-nous donc des cohortes du directoire? Pisistrate s'empara peu après de la citadelle, et ayant désarmé les citoyens, comme la Convention, les sections de Paris, il régna sur Athènes avec toutes les vertus, hors celles du républicain. Chapitre 10. Règne et mort de Pisistrate. La victoire s'attachera au parti populaire toutes les fois qu'il sera dirigé par un homme de génie, parce que cette faction possède au-dessus des autres l'énergie brutale d'une multitude pour laquelle la vertu n'a point de charme, ni le crime de remords. Après tout, le succès ne fait pas le bonheur, Pisistrate en est un exemple. Chassé de l'Attique par Mégaclès, réuni à Lycurgue, il y fut bientôt rappelé par ce même Mégaclès qui, changeant une troisième fois de parti, se vit à son tour obligé de prendre la fuite. Deux fois, les orages qui grondent autour des tyrans renversèrent Pisistrate de son trône et deux fois le peuple l'y replaça de sa main. La fin de sa carrière fut plus heureuse, il termina tranquillement ses jours à Athènes, laissant à ses deux fils, Hipparque et Hippias, la couronne qu'il avait usurpée. Au reste, ces différentes factions avaient tour à tour, selon les chances de la fortune, rempli la terre de l'étranger d'Athéniens fugitifs. À la mort de Pisistrate, les modérés et les aristocrates se trouvaient émigrés dans plusieurs villes de la Grèce. Là, nous allons bientôt les voir remplir avec succès le même rôle que de nos jours les constitutionnels et les aristocrates de France ont joué si malheureusement en Europe. Fin de la section 2.